Ce matin, merci pour ta parole qui nous guide, qui nous sauve, qui nous enseigne. Seigneur, merci. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Viens nous aider au nom de Jésus et tout le monde dise Amen. Alléluia. Et vous asseoir, s'il vous plaît. Où sont les autres? Alléluia. Je suis content d'être ici ce matin. Et je suis content de te voir. Alléluia. Yeah, nous allons voir notre verset de la semaine. Alléluia. Faut pas oublier que nous avons une petite compétition avec les autres services de Kodesh et puis d'Akma. Alléluia. Donc, Abelin peut présenter 3 personnes pour cette compétition de versets que nous avons mémorisé depuis janvier. Aujourd'hui, nous avons le 15e verset, c'est ça? 15e verset. Yeah. Donc, c'est Actes chapitre 2, verset 4 pour cette semaine. Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 2, très vite. Actes chapitre 2, verset 4. Il dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Actes chapitre 2, verset 4. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alléluia. Une fois encore. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, verset 4. OK? Une fois encore, Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 2, verset 4. Une fois encore, Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, verset 4. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, verset 4. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos Bibles? Ou bien on fait une fois encore? Qui dit une fois? OK. Actes chapitre 2, verset 4. Une dernière fois, Actes chapitre 2, verset 4. On ferme la Bible maintenant. Oui? Qui dit une fois encore? Qui dit une fois? OK, une fois encore. Une fois encore. Actes chapitre 2. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, verset 4. C'est bon? C'est bon? OK. Fermons nos Bibles. Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 2, verset 4. Et Actes chapitre 2, verset 4. Une fois encore. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Wow! Donc, on a dit on va faire une compétition ici. C'est possible aujourd'hui. Est-ce que chaque journal soit sélection? Vous avez la sélection? OK, on va voir. OK. Donc, OK. Wow! C'est bon de mémoriser. Donc, ce verset, c'est verset à méditer cette semaine. Alléluia! Et vous allez comprendre pourquoi nous parlons en langue. Yeah. Pourquoi nous prions en langue. Pourquoi le Saint-Esprit nous aide à prier en langue. Alléluia. C'est très, très important pour le chrétien. Et avec la, je pense qu'avec cette méditation, la Bible va te donner beaucoup de versets, beaucoup de références à ce verset qui parle de parler en langue. Alléluia. Et tu vas mieux comprendre. Tu vas mieux comprendre. Alléluia. Et donc, c'est bon. Wow. Nous allons continuer avec nos sujets. Alléluia. La loyauté, la déloyauté. Pourquoi la loyauté? Pourquoi la loyauté? Nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Alléluia. 1 Corinthiens 4, 2. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? 4, 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Wow. OK? Donc, pourquoi la loyauté? Et on a dit que c'est la qualification principale. C'est ça? Yeah. C'est principal. Principal. Par exemple, lorsque tu veux aller faire le master, on va te demander quoi? Qu'est-ce qu'on demande normalement? Quoi? Transcript. Qu'est-ce qui est transcript? Relevé de notes. Alléluia. Relevé de notes. On veut la relevé de notes de quoi? De la licence. Ou bien? Yeah. Donc, c'est la qualification qui te permet de faire le master. Sans ça, tu ne peux pas faire le master. C'est vrai ou bien c'est faux? Ou bien la licence, si tu veux faire la licence, ceux qui sont beaucoup sont en train de faire la licence. Qu'est-ce qu'on demande normalement? Le bac. Ah, le bac. Donc sans le bac, tu ne peux pas faire la licence. Est-ce que vous comprenez? Ah. Donc c'est aussi important la fidélité dans l'église. Amen. Dans toute chose, la fidélité. Sans ça, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Tu ne vas pas réussir à le faire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Le mariage, le travail, quoi encore? Le ministère à l'église, tu ne peux pas, sans la fidélité, tu ne peux pas chanter dans la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Ça, c'est la meilleure chorale. La meilleure chorale. Yeah. Alléluia. Yeah, tu ne peux pas être dans la chorale. Tu ne peux pas être pasteur. Tu ne peux pas être leader. Tu ne peux pas être berger. C'est la qualification principale. Hein? Est-ce que tu as une fois pensé à un mariage sans la fidélité? Yeah, tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Et c'était dans on commence l'infidélité même dans les relations. La base est fausse. Yeah. La maison ne peut pas être debout. Un peu de vent, ça va tomber parce qu'il n'y a pas de... Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc la fidélité est très, très, très importante dans toutes choses. Et donc dans l'église, nous avons besoin de la fidélité. Alléluia. Donc c'est la qualification principale. Wow. Est-ce que vous êtes là? Et puis, deuxième raison, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi? Pour lutter contre la cinquième colonne. Wow. Cinquième colonne. Et on a expliqué, cinquième colonne, c'est quoi? Les espions. Vous voyez, le Congo. Le Congo. Le Congo. Le Gabon ne peut pas faire une guerre aussi facile avec le Congo. C'est pas possible. Comme le Congo, bien le Bénin contre le Togo. C'est pas aussi facile. Vous comprenez ce que je dis? Yeah. Le Congo. Qui sont ceux de Congo là? Pierre et vu Medevi. Le Congo. C'est pas facile que le Gabon vienne contre le Congo, faire une guerre contre le Congo, c'est pas aussi facile. Yeah. C'est pas aussi facile. Yeah. Il y a le Centrafrique. La Centrafrique, on est là où il y a le... La Centrafrique contre le Congo, Burundi contre... c'est pas aussi facile. C'est pas facile. Alléluia. Donc, vous allez voir que beaucoup de guerres dans nos pays, c'est de l'intérieur. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah. De l'intérieur. De l'intérieur. Alléluia. Yeah. Donc, la cinquième colonne, c'est l'opposition dans l'intérieur. Yeah. Ceux qui sont là, mais ne sont pas là. Si le Gabon veut faire la guerre contre le Congo, premièrement, on doit trouver les gens qui sont au Congo, qui sont du Gabon, du côté de Gabon, qui sont au Congo, qui vont commencer la guerre. C'est faux. Yeah. On va amener les gens vont aller étudier l'armée du Congo, vont faire beaucoup de choses pour connaître avant que le Gabon puisse entrer, parce que c'est pas facile de on ne connaît rien et puis on entre au Congo pour faire la guerre. Non. On va aller étudier. C'est vrai, bien de faux. Alléluia. Donc, la cinquième colonne, dans l'église, la cinquième colonne, c'est ceux qui sont là, mais sont utilisés par l'ennemi pour détruire l'église. Yeah. Yeah. Well, Jésus avait 12 disciples. Et la Bible dit qu'il y avait un qui était un diable. Yeah. Amen, les 12. Depuis là, il y avait quelqu'un qui était là pour créer de la confusion, pour détruire ce qu'ils sont en train de faire. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et c'est ça, c'est la déloyauté. Ceux qui sont là, d'accord, qui sont contre ce que nous sommes en train de faire. Yeah. Et la semaine passée, j'ai dit, nous étudions ce sujet parce que il y a deux raisons. La première raison pour reconnaître si nous ne sommes pas loyaux, si nous ne sommes pas loyaux, si tu n'es pas loyal, ça va te révéler. Hein? Tu vas voir que, ah non, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Parce que beaucoup sont là, qui sont déloyaux et ne savent pas. Yeah. Beaucoup d'entre vous, vous êtes déloyaux, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Juste, vous ne savez pas. Vous n'avez pas l'intention de détruire, même vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire. C'est vrai, bien c'est faux. Yeah. Vous n'avez pas l'intention, mais vous le faites, mais vous ne savez pas. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ça. Et deuxième raison, c'est pour identifier la personne qui est à côté. Donc, regarde ton voisin. Si la personne est déloyale, yeah, c'est pour identifier. Alléluia. Yeah. Est-ce que tu es en train de rire avec moi, mais tu es contre moi? Yeah, beaucoup de francophones sont comme ça. Yeah. Oh, pasteur, oh, nous t'aimons, et avec un sourire, oh, et pasteur. Lorsque le pasteur part, ce qu'on dit derrière le pasteur. Yeah. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Dans la cinquième colonne, normalement, ce sont ceux qui oublient. Yeah, ceux qui oublient. Yeah. Ceux qui sont dangereux. Yeah. Ceux qui oublient. Surtout ceux qui oublient. Yeah. Tu as oublié que l'Église t'a aidé. Tu as oublié les paroles. Tu as oublié les conseils. Tu as oublié quelqu'un t'a encouragé. Tu as oublié que tu as été enseigné. On t'a enseigné des choses que tu connais. Maintenant, tu as oublié. Ceux qui murmurent ont oublié. Ceux qui critiquent. Yeah, ceux qui critiquent. Parfois, ce sont ceux qui ont quitté l'église. Ah, tu vas trop. Pourquoi tu vas trop à l'église comme ça? Ça, c'est quelle église? Yeah, qui a une fois entendu ce. Yeah. Trop à l'église. Ça, c'est quelle église? Tu vas trop à la répétition. Tu es trop. Kassa, c'est quelle chorale? Waouh! Ce qui dit que le Lighthouse est secte. Cinquième colonne. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Ah, Lighthouse, c'est secte. Yeah, il dit ça. C'est secte. À cause de la loyauté. Yeah, parce que quelqu'un, il y a un jour, quelqu'un a écrit une lettre à l'évêque pour lui donner une leçon sur les sectes. Ce qui est insecte. Yeah. Il dit que insecte, on ne quitte pas facilement insecte. Lorsque tu es dedans pour toujours. Yeah. C'est comme il disait que bon, peut-être que l'évêque ne connaissait pas ce qui est secte. Donc là, en train de l'enseigner. Pour lui dire que ton église là, c'est insecte. Yeah. Pourquoi? Parce que on dit quoi? On fait quoi? À la loyauté. Donc les gens ne quittent pas facilement l'église. Ah, pourquoi tu veux que les gens quittent l'église? C'est Satan qui veut que les gens quittent l'église. C'est Satan qui a quitté le ciel. Yeah, c'est Satan. C'est Satan qui a critiqué Dieu. C'est Satan qui s'est rebellé contre Dieu. C'est Satan qui a murmuré. Yeah. C'est Satan qui a oublié que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Satan a oublié que c'est Dieu qui l'a créé la musique en lui. Yeah, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses contre la musique, la chorale. Yeah? Dans la chorale, il y a trop de confusion. Parce que c'est Satan qui était le chef de la musique au ciel. Yeah? C'est pourquoi la musique mondaine, Satan a pris ça. Yeah? Le prince de l'air. Le prince de l'air, c'est quoi? Radio, musique, prince de l'air. Pollue la pollution de l'air avec les musiques. Yeah? Satan. Il y a trop de... Donc, lorsque dans la chorale, vous commencez à vous critiquer, parler, murmurer, vous êtes en train d'apprendre la nature de Satan. Yeah? Et ça, c'est la cinquième colonne. Yeah? Alléluia. Et voyez ici, oh, tu ne murmures pas. Lorsque tu murmures, tu auras une réaction. Quelle réaction? Réaction... Ah, le vent du nord. Réaction négative. Yeah. On ne va pas aimer lorsque tu commences à murmurer. Est-ce qu'il y a quelqu'un de qui a commencé à murmurer déjà? Est-ce que ton voisin murmure déjà? Contre, surtout contre. Yeah. Cinquième colonne. Alléluia. Cinquième colonne. Ceux qui sont mécontents. Yeah. Yeah. Mécontents. Murmure. Hey, critique. Vous voyez, là, de plus les gens critiquent, de plus nous grandissons. Yeah. De plus nous prospérons. Il faut voir que ça, c'est. Donc des critiques là sont inutiles. Yeah. Vous voyez, de plus on persécute l'Église, de plus l'Église grandit. Yeah. Est-ce que vous n'avez pas réalisé? Depuis que les gens ont commencé à critiquer là. On est toujours là. Et on est en train de grandir. Yeah? Ou bien? Yeah? Parce qu'on a commencé peu avec 4 personnes. Mais regarde, il dit encore que ça c'est quelle église? Secte, Lighthouse. Hey, Lighthouse? Lighthouse? Tu vas à Lighthouse? Ce sont des commentaires de la cinquième colonne. Yeah? Tu vas à Lighthouse? Et cette église-là? Déjà avec ce commentaire-là, c'est comme tu es en train de décourager les gens. Et c'est ce que Satan est en train de faire. Et c'est pourquoi Lighthouse, nous avons identifié que ça là, c'est Satan. La déloyauté, c'est Satan. Et donc nous luttons contre Satan très sévèrement. Yeah, très sévèrement. Alléluia. Qu'est-ce que Satan est en train de faire? 3 choses que Satan est en train de faire. Première chose, empêcher les pasteurs de prêcher. Première chose, empêcher les pasteurs. Deuxième chose, de chasser les membres. Parce que bon, ouais, il ne m'a pas empêché. Il n'a pas empêché le pasteur. Le pasteur est là dimanche pour prêcher. Mais il empêche les membres de ne pas venir pour écouter la parole. Est-ce que vous avez? Vous voyez, non? Yeah. Troisième chose, c'est salir le nom. Le nom de l'église, bien de pasteur, bien ce que nous sommes en train de faire ici. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il y a des commentaires négatifs. Donc, tu entends, l'église là, tu vas à l'église là. Même le fait de dire, tu vas à l'église là. C'est comme l'église est sale déjà. Ah, et puis toi, tu dis, c'est quoi? Il ne faut pas répondre, Si tu réponds, toi aussi, tu t'ajoutes. Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre. Beaucoup d'entre vous avez répondu à des, ah, c'est quoi? Ok, et puis quoi? Vous prenez la nature de Satan. Si vous ne savez pas aujourd'hui, je vous le dis. Yeah. Alléluia. Cinquième colonne. Ceux qui quittent. Yeah. Ceux qui disent que non, je ne viens plus. Qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui quittent, qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est la troisième raison. La loyauté est importante parce que on a besoin de l'amour de Dieu. Alléluia. Yeah. Qui est ici qui n'a pas de problème? On n'est pas venu. C'est pas vrai. Nous tous, nous avons un problème. Yeah. Il y a quelque chose. Il y a beaucoup ici qui ne sont pas aimés à la maison, qui ne sont pas aimés à l'école. À l'hostel, tu salues quelqu'un, la personne ne répond même pas. Tu as un ami. Pardon? Tu dis quoi? C'est son problème. Yeah, mais vous voyez, nous venons pour recevoir l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous venons avec une bonne pensée. Nous venons pour être bénis dans l'église. C'est vrai ou c'est faux? Yeah, nous avons besoin de quelque chose. Ah. Mais qu'est-ce que Satan fait? Les gens qui quittent. Alléluia. Ils quittent et puis font quoi? Détruisent ce qu'ils ont quitté. Parlent mal de là où ils ont quitté. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui viennent ont peur de venir à l'église. Yeah. Alléluia. On va lire ce verset dans Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35. Alléluia. Vous êtes là? Oh, ouvrez la Bible. Je n'entends pas bien, sont tous iPad. On n'entend pas les bruits de la Bible. Alléluia. Jean 13, tout le monde, Jean 13. Alléluia. Yeah. Un signe de déloyauté, lorsque tu viens à l'église et tu n'as pas ta Bible. Tu ne lis pas la Bible. Yeah. C'est un signe de déloyauté. C'est comme... On va arriver à ces signes-là. Je vous montre déjà. Vous ne savez pas, donc c'est pourquoi je vous montre. Alléluia. Jean 13, 35 dit quoi? À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Donc ceux qui querellent dans l'église, ceux qui créent des divisions, pour que les autres ne viennent pas. Ah, parce que tu veux venir, et puis ce que les gens disent, tu as vu Stéphane. Et puis, tu viens, tu es de Burkina, mais maintenant, il y a un groupe de Gabonais. C'est comme Gabonais, on est Gabonais. Et si tu viens au Burkina, tu es Burkina. Yeah. Division dans l'église. Alléluia. Est-ce que tu as de l'amour pour ton voisin? Est-ce que tu as de l'amour pour ton voisin? Est-ce qu'il y a de l'amour ici? Est-ce que tu te sens aimé ici? Est-ce que vous comprenez? Nous avons besoin de l'amour de Dieu, l'amour pour les uns et les autres. Alléluia. On ne peut pas aimer quelqu'un lorsqu'on critique la personne. Yeah. On ne peut pas aimer quelqu'un et tu critiques. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il doit avoir de l'amour. De l'amour. Vous êtes dans le même ciel, même vous ne parlez pas. Mais vous venez à l'église ici. Hein? Même maison, vous ne parlez pas. Mais vous êtes dans la même église. Est-ce que tu crois que quelqu'un aussi peut venir? Vous voyez, les gens les gens voient lorsqu'il y a l'amour. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il y a de l'amour, je peux voir. Quelqu'un vient ici, la première fois, peut voir qu'il y a de l'amour ou bien pas. Yeah? Est-ce que vous comprenez? La personne, juste observer. Pas dire, oh, je t'aime. Non. Juste observer. On voit que, il y a un problème ici. Alléluia. Et c'est ce que le diable crée. Comme je dis que les gens quittent. Les gens quittent et puis pas mal. Est-ce que vous comprenez? Dans Psaume 23, verset 2. Psaume 23. On va lire. Psaume 23. OK? Psaume 23, verset 2. OK. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers, ou bien près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Près des eaux paisibles. Tout le monde veut avoir un endroit où les eaux sont paisibles. L'église où les eaux sont paisibles. L'environnement est paisible. Il y a de l'amour. Alléluia. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Il y a un jour, on est en train de faire une expérience avec un serpent. Un gros serpent. Donc, on a mis une caméra sur le serpent. Et on a laissé le serpent pour voir ce que le serpent va bien là où il va aller. Le serpent allait. Et puis, on suivait. Les gens ont suivi jusqu'à ce qu'il allait loin. Il a trouvé un lac. Un lac. Puis, il est allé dans l'eau. Cool. Il était dans l'eau. Pour un long moment, des jours. On est en train de voir les jours, des semaines. Et puis, de temps en temps, il lève la tête sur l'eau pour voir s'il y a un animal. Il lève la tête. Puis, un jour, beaucoup de quoi? Des animaux, antilopes, sont venus pour boire. Et tout d'un coup, il a levé la tête, l'a vu. Doucement. Il a pris l'antilope. Il a avalé tout. Avec les cornes, tout. Il a dit. Il a digéré tout, le serpent. Un gros serpent. Est-ce que vous êtes comme ça? Et puis le serpent est patient. Il attend des semaines. Il était toujours dans sous l'eau. Semaine. Et il mange une fois par an. Donc avec l'antilope là, toute une année, il ne va plus manger. Yeah. Wow. Qu'est-ce que je veux dire? Et depuis là, des animaux ne viennent plus là-bas pour boire. Et donc chaque fois, les animaux sont méfiants. On dit méfiants. Ils se méfient de l'eau. Lorsqu'il arrive, il veut voir s'il y a un mouvement. Est-ce qu'il y a des troubles? L'eau est agitée. Les eaux paisibles. Je suis en train d'expliquer de ce verset, hein, verset 3 de psaume 23. Les eaux paisibles. Est-ce que les eaux sont paisibles? Donc, viens voir si les eaux sont paisibles. S'il n'y a pas de mouvement dans l'eau avant de boire, parce qu'il peut avoir un serpent, un crocodile. Yeah. C'est la même chose à l'église. Est-ce qu'on va voir si les eaux sont paisibles? Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas d'agitation. Est-ce qu'il n'y a pas de querelle? Est-ce qu'il y a de l'amour? Yeah. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que tu critiques déjà? Est-ce que quelqu'un ici que tu critiques déjà? Tu parles mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Deux parmi nous qui ne parlent pas? Deux personnes ici. Yeah, parce parce que tu vas empêcher d'autres personnes de venir. Tu es en train d'empêcher d'autres personnes de venir à l'église. Tu es en train d'empêcher le salut de certaines personnes. Alléluia. Est-ce que par ton comportement, tu es en train d'empêcher quelqu'un de partir? Tu viens à l'église, tu viens ici, tu viens chanter et puis on te retrouve dans le bois de nuit. Tu viens ici, après on te retrouve dans un coin, tu es en train de te cacher, tu es en train de faire les trucs là. Yeah. Tu viens à l'église, mais tu es un brigand. Tu es une fille, mais tu es une fille brigante. Adjectif. Qualificatif. C'est ça, non? Adjectif qualificatif. Yeah. À l'école, on te connaît. Tout le monde te connaît. Tu es devenu le lit. Tu es une jeune fille. Tu es devenu le lit de tous les hommes de l'école. Tous les professeurs. Code de téléphone. L'année passée, on m'a dit, il y a des filles ici qui sortent avec les hommes à cause de téléphone, chaussures, papaye. Yeah. Yeah. C'est vrai, bien, c'est vrai. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que tu es en train d'empêcher les autres. Yeah? Tiens, si tu fumes, tu bois de l'alcool à l'école, à la maison, les fêtes, anniversaires, fêtes de Congo, fêtes de Gabon, fêtes de Centrafrique. Tu vas boire de l'alcool et puis tu es ici. Tu es en train de troubler l'eau. L'eau paisible. Tu es en train de troubler. Les ânes arrivent. Lorsqu'il arrive à la porte, il dit non. Je ne peux pas rester ici. Yeah? Il dit non, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Waouh. Je dis la vérité, bien, je mens. Non, ça, je ne mens pas. Je connais certaines personnes même ici. Elle me regarde, je les regarde. Wow. Mais il faut changer. Alléluia. Nous avons l'Église, la parole de Dieu pour nous changer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, je fais que tu réalises que tu es dans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Les filles qui sortent avec les hommes mariés. Yeah. Tu es en train de préparer un bon. Tu vas récolter double. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Il faut aller voir. Galates 6, verset 7. Yeah. Tu vas récolter double. Tu vas voir que tu vas te marier. Et puis, d'autres filles. Jeunes filles, comme ça. Pour prendre ton mari. Parce que tu as fait la même chose aux autres personnes. Yeah? Yeah? Et ceux qui ne sont pas mariés, yeah? Tu es en train de tu vas, tu, vous ne savez pas. Wow. Donc, on veut de l'amour ici. Nous allons aimer les uns les autres. Lorsque je dis que je t'aime, c'est vrai, je t'aime. C'est pas que tu pars et puis je commence à parler mal de toi. Vous comprenez? Faut pas parler mal de l'église. C'est le diable qui fait ça. Et ne laisse pas le diable t'utiliser. Tu n'es pas diable. Hein? Dis à ton voisin, tu n'es pas diable. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu demandes des gens de faire? Hein? On veut de l'amour. Ah, les choristes. Les choristes. L'amour. Il y a l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a l'amour? Yeah. Est-ce qu'il y a l'amour? Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. On va continuer la semaine prochaine. Petit à petit. Yeah, prenez ça petit à petit. Yeah. Petit à petit. C'est pourquoi ils vont venir dimanche prochain. Waouh. Waouh. Est-ce que tu peux pardonner ton voisin ici? Tu peux pardonner ton voisin qui t'a offensé, qui t'a mal parlé. Il ne sait même pas qui t'a mal parlé. Oh. Il ne sait même pas. La plupart des temps, les gens ne savent pas. Il y a un chant qu'on chante. Je compte pour toi. Tu comptes pour moi. Nous. De Christ. Avec moi, accord. Nous sommes tous le corps de Christ. C'est ce qu'il désire que nos besoins soient connus. Tu es si important pour moi. Je ne peux survivre pour toi. Tu pries pour toi. Je prie pour toi, je t'aime, je ne peux survivre sans toi. Dis, je prie pour toi. Je prie pour tu toi. Tu pries pour moi. Tu pries pour je moi. Je t'aime. Je t'aime, je ne peux survivre sans toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Tu pries pour je moi. Je t'aime. Je t'aime. Je ne peux survivre sans toi. Attendez, on va chanter ta tout ensemble. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Je t'aime, je ne peux survivre sans toi. C'est possible. Est-ce que tu peux prendre une personne, seulement une personne, et chante à la personne. C'est possible. Une personne, une seule personne dit, je prie pour toi, tu pries pour moi. Je t'aime, je ne peux survivre sans toi. C'est tout. Un, deux. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Je ne peux survivre sans toi. Je prie pour toi. Je prie. Tu pries pour moi. Tu pries pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Je ne peux survivre sans toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Tu pries pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Je ne peux survivre sans toi. Je prie pour toi. Je prie. Tu pries pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Je ne peux survivre sans toi. Je prie pour toi. Je prie. Tu pries pour moi. Tu pries. Je t'aime. Je t'aime. Je ne peux survivre sans toi. Je ne peux survivre sans toi. Je prie pour toi. Je prie pour moi. Je t'aime. Je ne peux survivre sans toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Pour les gens ne font pas. Peut-être que maintenant tu ne pries pas pour la personne, mais tu veux commencer à prier pour les autres qui sont à l'église. Tu veux aimer les autres avec l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire ça pour la dernière fois? Je prie pour toi, tu pries pour moi, je t'aime, je ne peux survivre sans toi. C'est possible. Alléluia. Un, deux, je prie pour toi. Pour toi, tu pries pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Je ne peux survivre je sans toi. Je ne peux survivre sans toi. Je prie pour toi. Je prie pour tu toi. Tu pries pour moi. Tu pries pour je moi. Je t'aime. Je t'aime. Je ne peux survivre sans je toi. Pour la dernière fois, je prie toi. Pour toi. Je prie pour tu toi. Tu pries pour moi. Tu pries pour je moi. T'aime. Je t'aime. Je ne peux quelque chose, comme tu prends la main de ton voisin et pour une minute, prie pour la personne. Oh Seigneur, merci. Merci que tu nous as donné de merveilles personnes, merveilles amis, merveilles voisins à l'église, Seigneur. Nous prions pour ces personnes. Protège-les, garde-les, pourvois leurs besoins, Seigneur. Délivre-les du mal. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci pour ces merveilleuses personnes. Merci pour ces merveilleux membres de l'église d'Abel-Ekwe, Seigneur. Merci pour ton amour. Et Seigneur, nous répandons sur cet amour aux uns aux autres, Seigneur. Au nom de Jésus, nous les aimons, nous prions pour eux. Nous prions pour eux. Nous prions pour eux. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Nous chassons les divisions. Nous chassons les querelles. Nous pardonnons les uns les autres. Nous pardonnons et nous chassons la haine. Nous chassons les querelles, nous chassons les critiques au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci, merci. Oh, je prie pour toi, tu pries pour moi, je t'aime, je ne peux plus. Est-ce que tu peux te déplacer? Je prie et dis à quelqu'un d'autre, je prie pour toi, tu peux embrasser quelqu'un. Je ne peux suivre. Je prie pour toi. Je prie. Tu pries pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Je ne peux. Déplace-toi. Déplace-toi. Je prie pour toi. Je prie. Tu pries pour moi. Tu pries. Je t'aime. Je t'aime. Je ne peux suivre. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Je t'aime, je t'aime. Je ne peux suivre. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Je prie. Je t'aime. Je ne peux suivre. Je prie pour toi. Je prie. Tu pries pour moi. Je ne peux suivre sans toi. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Je t'aime. Je ne peux suivre sans toi. Est-ce que tu peux acclamer pour ces cris de joie? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Le Seigneur nous aime. Il a tant aimé le monde. Et Jésus dit, il dit, vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Il doit avoir de l'amour chaque jour. Lorsque quelqu'un nouveau vient, il va voir que, waouh, il y a beaucoup d'amour ici. Parce que dans le monde, il n'y a pas de l'amour. Dans le monde seulement, c'est seulement le sexe. Yeah, c'est pas l'amour. C'est pas le vrai amour. C'est le sexe qu'il y a dans le monde. Alléluia. Mais ici, il y a de l'amour. L'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Fermez les yeux. Avant de s'asseoir, fermez les yeux. Tu es ici. Tu ne connais pas le Seigneur. L'amour de Dieu même, tu ne le comprends même pas. Mais ce matin, nous voulons te dire que le Seigneur t'aime. Dans ton état, il t'aime. Et veut te sauver. La Bible dit qu'à moins que tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. L'enfer attend ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ce matin, tu as écouté la parole et tu as reçu un certain Dieu. Tu sens un certain amour ici. Et tu veux dire, Seigneur, je veux t'aimer. Je veux te donner ma vie. Je veux recevoir le salut. Je veux aller au ciel. Je ne veux pas périr dans l'enfer. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? On va prier. Je veux prier avec toi. Avant de partir, tu veux être né de nouveau. tu veux recevoir l'amour de Dieu. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main avant de partir? Les yeux fermés, s'il vous plaît. Les yeux fermés, tout le monde. Merci, mon frère. Merci. Merci. Je vois les mains. Je vois les mains. Toi, si tu veux lever la main avant de partir, les yeux fermés, s'il vous plaît. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux donner ta vie. Ce que nous disons ici, c'est la vérité. La vérité est que un jour, nous ne serons pas ici. Et un jour, nous allons nous retrouver quelque part. Pas ton corps, mais ton esprit. Merci, je vois les voix. Les mains, je vois les mains. Un jour, on va se retrouver quelque part. Où est-ce que tu seras? Est-ce que tu t'es posé la question? Où est-ce que je serai lorsque je quitte cette terre? Il y a seulement deux endroits, l'enfer et le ciel. Et lorsque tu donnes ta vie à Dieu et tu reçois le salut, tu seras avec Dieu. Tu ne vas pas te retrouver dans l'enfer ce matin. Lèvez la main. Lèvez la main. Je veux voir les mains lever très haut. Je veux voir les mains lever très haut. Merci, merci. Si tu as, est-ce que tu peux venir? Je veux prier pour toi avant de partir. Prie à toi. Viens. Mon frère, viens. Viens, donne ta vie à Dieu. Viens. Peut-être que tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir prier. Tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir. Tu n'as pas levé la main. Tu veux venir prier. Tu n'as pas levé la main. Tu n'as pas levé la main. Merci. Merci, ma soeur. Merci. Merci. Merci. Merci. Alléluia. Vous allez répéter après moi, dit Seigneur. C'est une prière très puissante ce matin. Et je veux que tu pries ça avec foi. Et quelque chose spirituel va se passer dans ta vie. Ton esprit va devenir un nouveau esprit. Sauvé, prêt pour aller au ciel. Et donc, prie avec foi, dit Seigneur. Je te remercie. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Et ce matin, je crois que tu as envoyé ton fils pour me sauver. Il s'est sacrifié pour moi. Il a payé le prix. Et je crois en lui. Et ce matin, je l'invite dans ma vie, dans mon cœur. Je veux le servir. Je veux le servir le reste de ma vie. Et ce matin, je te demande pardon. Pardonne-moi. Et je te demande d'écrire mon nom dans le livre de vie. Je vais te servir. Donne-moi la force. Donne-moi la grâce de pouvoir te servir le reste de ma vie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.